Ok, solo Mike, solo Mike, 2011, Minos, sans motif, sans motif. Tire, ok, bien des vers, c'est tout bloqué comme un Q-Jab dans un WC. Sur mes textes ont pris du poids, mais tu ignores les vers, je tue. Il serait temps qu'on se pointe à pic, on tape une pointe à pointe à pitre. Y'a du niveau poteau, donc sois conscient que je ne suis pointe à pitre. On n'est pas tous dans le même bateau. Si je jette la Mercedes, ces connards m'ont rien compris. Baisse Marianne et siffle la marche, j'aurais la vie de Laurent Baffi. J'espère que la vie m'aurait pas fait. Si t'avais de l'estime pour ta mère, à mon avis, t'aurais taffé. J'ai la rime tranchante, j'écris mes 16 sur un coupon. T'as du courage, tu comptes me couper la parole avec un coupon. J'ai des erreurs et des fois j'aimerais devenir amnésique. J'ai la rime sale et mes problèmes me poussent à revenir à mes nez. En cours en Mercedes, en course à tout à Mercedes. Toi tu voudrais me faire croire que c'est devant toi que la mer se dresse. Outrageant sous mes propos comme si ma rime n'avait rien de sous la jambe. Si t'as des rêves, assis-toi dessus avec un rasoir sous la jambe. Solo Mike, mec.